Chapitre 13. Jacqueline Catala, petite fille de 7 ans, guérit instantanément d'une humeur rachitique opiniâtre. De Jean Catala et de Louise Morin naquit, le 7 avril 1821, une fille à laquelle on donna au Saint-Baptême le nom de Jacqueline. Elle avait environ 3 mois quand elle fut prise du mal de la variole, rougeole volante, mais, soignée convenablement, en 8 jours elle se remit et fut rétablie. Elle continua dans cet état de très florissante santé jusqu'à ce qu'elle eût 18 mois. Et alors, inopinément et contre l'attente de tous, elle tomba dans un état de défaillance totale et dans un extrême abandon de ses forces. Ensuite, le mal s'aggravant chaque jour de plus en plus, les chevilles des pieds et les rotules des genoux commencèrent à grossir énormément, en même temps que les gras des jambes et des cuisses diminuaient, se desséchaient et se réduisaient enfin à un squelette osseux revêtu de peau. À tout cela vint s'ajouter une fièvre lente qui achevait d'épuiser et de consommer l'infortunée petite fille. Multipliés et fréquents furent les remèdes que la mère, avec sa tendre sollicitude, employa contre ce mal, mais toujours sans aucun succès. De sorte qu'à la fin, elle laissa le mal suivre son cours, le regardant comme tout à fait incurable. La petite, cependant, croissait en âge, et ses maux croissaient pareillement avec les années. Au commencement, elle pouvait faire quelques pas, quoique avec beaucoup de difficultés. Mais ensuite, les pieds étant tout à fait contournés, et l'enfant n'ayant plus, à cause de sa grande débilité, la force suffisante pour se soutenir, on dut la tenir toujours dans son lit, ou bien attachée et fermée dans un petit fauteuil à bras. Deux fois à l'autre, l'enflure envahissait le ventre, et elle souffrait de violentes convulsions d'intestin. Grande était l'affliction des parents et surtout de la mère qui, se voyant plus que jamais privée de tout espoir dans les remèdes humains, se mit avec une plus grande confiance à implorer les secours divins. Animée d'une grande dévotion envers la bienheureuse Germaine, elle se voua à elle, promettant de faire 3 pèlerinages à Pibrac, les 2 premiers toute seule et le 3e avec la petite infirme. Elle exécuta bien les 2 premiers, mais le 3e, par l'effet de ses affaires domestiques. Elle ne put l'accomplir que 3 ans après l'émission de son vœu et lorsque la petite fille avait déjà 7 ans. En 1828, elle se rendit donc à Pibrac, et voici sa déposition elle-même, qu'elle affirma par serment et que nous citons textuellement. « Je partis, dit-elle à pied, avec une de mes amies qui travaillait avec moi. Devant nous marchait une bête de somme avec 2 paniers, dans l'un desquels je mis ma fille Jacqueline et dans l'autre mon autre fille. Un de mes fils qui avait 10 ans marchait entre nous deux. Pendant le voyage, il ne se passa rien d'extraordinaire, ni encore dans le village du Pibrac. Nous entrâmes dans l'église, c'était un dimanche, et le curé prêchait. Je me plaçai vis-à-vis la chaire, avec mes enfants. Je fis asseoir ma fille Jacqueline entre mon frère et moi, et nous la soutenions tous deux. Ensuite, nous entendîmes la sainte messe. À peine on eut agité la sonnette qui donnait le signal du Sanctus, que Jacqueline poussa un cri, et moi j'entendis dans le même moment un craquement que je crus avoir été produit dans les articulations des os de ma fille. J'étais dans un état difficile à décrire. Tout à coup, il me vint en pensée que ma fille était guérie. Cependant, je ne me dérangeais pas de ma prière, et au moment de la communion, je recommandais l'enfant à son frère, ayant trop de répugnance de l'attacher à son siège, par égard pour l'assistance. Agenouillée que je fus à la balustrade, voilà que Jacqueline, qui s'était échappée des mains de son frère, vint se mettre à genoux à côté de moi sans que personne la soutînt. Je ne pus exprimer l'émotion dont en ce moment je fus frappée, spécialement quand je vis la pauvre enfant prendre comme moi la nappe de communion, comme si elle eût voulu communier. J'avertis avec la main le curé que cet enfant n'était pas pour communier. Et lorsque je retournai à ma place, la petite fille me suivit, s'assit d'elle-même et resta ainsi assise, sans avoir besoin du secours de personne pour se soutenir. Je vis toutes ces choses après la communion et j'observai que ses pieds avaient repris leur situation naturelle. Jacqueline, en ce moment, paraissait toute radieuse d'allégresse, et quand elle vit que le prêtre, la messe dite, allait donner sa bénédiction, remarquant que tous en ce moment s'agenouillaient, tout à coup elle se dressa sans aucune aide. Elle prit la chaise sur laquelle elle était assise, elle la tourna lestement avec dextérité et se mit à genoux dessus. Après avoir accompli mon vœu, je repartis aussitôt pour Toulouse, nos cœurs remplis comme ils étaient d'une très vive allégresse et de reconnaissance pour une guérison si subite. Ni mes fils, ni la personne qui m'accompagnait, ni moi, nous ne mangeâmes pas un morceau. Nous arrivâmes à Toulouse vers les 3 heures après-midi. Et à peine étions-nous rendus à notre domicile que Jacqueline, voyant son père, s'écria « Je suis guérie, prenez-moi par le bras et mettez-moi par terre, et vous verrez comme je marche et comme la vénérable Germaine Cousin m'a guérie. » Et effectivement, le père prit tout à coup la petite, la mit à terre et, sous ses yeux et à la vue de tous les habitants de mon quartier qui est très populeux, elle se mit à marcher, leste et agile, sans faire paraître qu'elle éprouva la plus petite fatigue et difficulté. Et dorénavant, elle continua à être en parfaite santé. Jusque-là, c'est cette femme qui parle. Il n'est pas besoin de rien ajouter pour faire connaître la grandeur du prodige.